Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنكمل مسألة الديمقراطية فوصلنا إلى استفدنا أولا التعريف ما معنى الديمقراطية الشعب السلطة أما السلطان شيء آخر السلطة السلطان إلى السلطة أي الغوفرنور إلى البوفوار فهذه السلطة فماذا سيكون معنى الكلمة السلطة للشعب فهذه ثم أخذنا تاريخ الديمقراطية أي نشأتها فمن أين جاءت من فرنسا وغيرها من الكفار نعم ما السبب أحسنت أن في أوروبا كانت الكنيسة تحكم نعم تظلم الناس بغير حق تعرفون أن أصحاب الكنائس ضد الظلمة وقعوا في أعظم الظلم وهو الشرك أما ظلم العباد فغسلت خسام لهذا فهم أشركوا بالله عز وجل ونسبوا إليه الولد فسد الظلمة الظلم أكبر ويعني الظلم العباد ظلم الناس فماذا حصل؟ كيسكيزون في بعد هذا؟ أحسنت خرجوا بالثورة بالثورات هذه فاستفيد هذا أن لغيفوليسيون كذا كذا كذا يعني جاءت يعني كثير يعني بهذه الصورة من الكفار ثم أخذنا أن أصول وشعارات الديمقراطية ثلاث فما هي الحرية ما معنى الحرية الأكسو ما معنى الحرية بالعربية أحسنت أن الناس كلهم يفعلون ما أراد لكن أولا الدليل على أن الحرية ما أن الحرية ليست إطلاقا هكذا أبدا تفضل أحسنت إن الحكم إلا لله فتبال شوى في هذا الحكم لله خاص به كذلك وما نهاكم عنه أحسنت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تبطل شوى في هذا تبطل شوى العبد الإنسان عبد إلى مأمور بأمور إلى مربوب إلى مخلوق en face de lui ou à l'avenir il y a le jannah et le nar. أما الكلام هذا على liberté ça va servir à rien du tout. Celui qui obéit à Allah عز وجل est في الجنة, celui qui les désobéit est في النار. فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما هذا الكلام كما قلنا أمس هي دليل صريح أنه يقد هذه الحرية من سورة الأحزاب تذكر؟ تفضل. ما كان للمؤمنين أو المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحسنت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. دليل واضح أن سي الله أو son prophète il juge d'une chose, مثلا il te rend obligatoire كذا أو il t'interdise كذا, le mu'min et le mu'mina ils n'ont pas le choix, pas de khiyara. Al khiyara c'est le choix. Ça montre أنك أنت تعب, tu dois écouter, tu dois obéir بقدر ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. أما هم, si vous avez compris l'historique de la démocratie هذا, tu vas comprendre هذا. هم, c'est ça qui les a dérangés. C'est ça. Interdit de faire ça, tu dois faire ça, tu as des obligations. Il a akhiré, hum, ils ne voulaient pas. Comme ils se sont dit, on va faire tomber cette chose qui nous impose, l'église, on l'a fait tomber, et nous, on s'invente des choses qui nous conviennent. C'est ça, al-baqi liyoum. Al-thani al-musawa. Ma ma'na al-musawa? Wa ma dalil ala butlaniha? Ma ma'na al-musawa? أن الناس كلهم سواء. خلص par l'égalité هم. المساواة. وهذا من أبطل الباطل. وهذا من أعظم الظلم. كيف une personne honnête elle est comme une personne qui est pas honnête. Comment une personne pieuse elle va être comme un fasiq. Comment une personne qui a de la science il va être comme un ignorant. Il y a pas de مساواة. Il y a pas de مساواة أبدا. أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. الله عز وجل يقول هكذا رب العالمين celui qui a créé هؤلاء et il montre أن المؤمن il est pas comme le كافر. كيف une personne qui obéit qui fait des efforts il a آخره il est comme une personne qui fait pas d'efforts un فاسق. وهم يتناقضون في هذا. Ça c'est parmi eux, ils disent l'égalité, c'est du كذب. Prends l'exemple de l'école مثلا, est-ce qu'on était égaux à l'école? أبدا. Il y avait le premier, il y avait le dernier, c'était pas égaux. Il y avait celui qui faisait des efforts, il y avait celui qui faisait pas d'efforts. Celui qui faisait pas d'efforts, il avait des uqouba. Il était puni, kada, kada, ma'rouf. Celui qui fait des efforts, il était récompensé, il a un diplôme, il a kada. Ils vont dire, hum, l'égalité dans les droits, c'est du kadib. C'est du kadib. Les droits que vous avez faits, vous les avez inventés. Tout moi, vous avez mis l'égalité. Aslan, les droits que vous avez mis, c'est batil. L'annahum, يعني vous mettez des lois alors que vous n'avez pas le droit. Inni al-hukmu illa lillah. Qui c'est qui t'a autorisé à mettre des lois, anta? Fahoum, ils inventent des choses, tout le monde ils mettent des mots. Hakala, ils inventent des droits qu'ils ont inventés eux, entre eux. Tout le monde ils disent on est égaux. Aslan, qui c'est qui t'a dit d'où ils viennent ces droits? On n'est même pas d'accord sur les droits, comment on va être égaux? Anta maintenant t'autorises l'homosexualité. Tout le monde ils disent on est tous égaux. Tout ce qu'on doit tous s'accepter, on doit tous cadrer l'homosexuel et celui qui n'est pas homosexuel, c'est pareil. Nous, aslan, dans l'homosexualité, nous nazi'ouk. On n'est pas d'accord avec toi, aslan. Pourquoi tu dis on est égaux? Ah, kalam hadi, ils se contredisent. Ma dalil, anna celui, ou les choses qui ne viennent pas d'Allah Azza wa Jalla, elles se contredisent. Il y a un dalil. Les anna hadi, ils sont obligés de se contredire. Les anna hum, c'est des bachar. Un, il vient, il met une loi. Le deuxième, il vient, il remet une loi. Un troisième, il vient, il n'est pas d'accord. C'est obligé de voir de la contradiction. Les anna, c'est des bachar. Ma dalil anna, ce qui ne vient pas, min indillah, ça va se contredire. Walau kana. Ahsant, walau kana min indi ghayrillah wa Allah, wajadu fi ikhtilafan kathira. Ça, c'est une règle. Tout ce qui ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras des khilaf. Andur ahl al-bida'. Dès qu'ils ont délaissé des choses, ils y'a, on avait vu le sifat. Ouais, il dit kada, l'autre il dit kada. L'autre il dit non mais le ma'na c'est kada. Yakhtalifun li anna ils sont pas à l'Qur'an wa sunna. Ma baluk haoula al-kafara abna al-qirada wal-khanazir. La badhum ils vont ça yakhtalifun. Un il vient il dit là la liberté c'est kada. L'autre il vient il a une autre définition. Non c'est ça. L'autre il vient non mais kada. Eh yakhtalifun. يختلفون أما القرآن والسنة لا c'est حق on n'est pas égaux أما من كان مؤمن كما كان فاسقا لا يستوي c'est كلام الحق حتى المؤمنون ils sont pas égaux بينهم حتى المؤمنين ils sont pas égaux بينهم ما الدليل on l'a vu في العقيدة الدليل أن الإيمان يزيد وينقص ça montre qu'on n'est pas égaux celui qui dit on est égaux c'est عقيدة المرجئة. On n'est pas égaux pour l'Iman. Abu Bakr, est-ce qu'il est comme nous ? Abadan, il est afdal minna. Nous, nous n'attarons pas ça. Il est afdal minna. Les Sahaba, ils sont mieux que nous. Les Rasul, ils sont mieux que nous. Il est akhir, on n'est pas égaux. Mais on fait des efforts et on est des frères. Hada. Amma égaux, abadan. Est-ce que pour l'ilm, on est tous égaux ? Abadan. Tu vas trouver un alim, tu vas trouver un jahil. الله المستعان تتعجب كومون دي جون ils font abord par هذا صحيح تتعجب c'est un كلام فارغ ils ont inventé des choses صراحة celui qui lit qui fait des recherches qui regarde ils ont inventé des choses qui veulent rien dire صحيح لكن الله المستعان فضل شو البلع ما في احسنت ça ça montre احسنت ان les gens ils sont pas égaux le prophète صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. Les meilleurs des gens, c'est mon siècle, ma génération. Thomas, ceux qui viennent après, Thomas, ceux qui viennent après. Ça montre que les générations d'aujourd'hui, elles sont moins bien que celles d'avant. Ça, c'est bien. Inda al-Muslimin, amma inda haoula, on est tous égaux. Un homosexuel avec un alim, c'est pareil, indahum. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est du calibre, hada. Ils disent ça, mais hatta hum, ils savent que hada. La troisième, c'est quoi ? Al-Ukhuwa. Ma ma'na al-Ukhuwa ? Indahum. نعم حتى هم بهذا ils vont pas dire qu'on est des frères لكن هم ils ont emmené هذه الكلمة الأخوة حتى tu dis personne c'est un kafir la fraternité t'as le droit مثلا عندهم t'as le droit de critiquer personne tout le monde est libre مثلا حتى في الفكر لأن في الحرية ils ont inventé ce qu'on appelle حرية الاعتقاد. Dans leurs droits de l'homme, dans la démocratie, il y a écrit hada. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Enfin, tu ne dois pas dire Fulan Zan Kafir ou Fulan Kada, indahum. Il est libre et puis après il y a l'ukhuwa. Et tu dois respecter yani, sa aqida. Ou tu dois respecter son qawl. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de kada. Hada. Kufr wadih. Kif tu vas respecter ou kif tu vas accepter une croyance matalan qui dit Isa c'est le fils d'Allah. Si tu n'acceptes pas, si tu acceptes ça, t'es un kafir. La démocratie, elle te dit, tu dois accepter. L'imad, il est libre et il est égal. Toi, tu n'es pas mieux que lui. Toi, tu dis Allah, il n'a pas d'enfant. Lui, il dit Allah, il a un fils. Toi, tu n'es pas mieux que lui. Et tu n'as pas le droit de dire c'est un kafir. Tu n'as pas le droit. Tu dois respecter. Celui qui respecte cette parole, c'est un kafir. Kif tu respectes le kuf ? Kif tu acceptes le kuf ? ندخل في الحكم نحن سو واضح الآن on a compris avec la définition on a compris avec la définition هذه avec l'historique avec leur usul on a compris que c'était du كفر واضح لا شك فيه قال الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله في المبادئ المفيدة قال فإذا قيل لك ما الديمقراطية كتاب المبادئ المفيدة سان كتاب نافع جدا خاصة للمبتدئ pour les débutants سان كتاب نافع الشيخ حفظه الله il a divisé le kitab en deux العقيدة والتوحيد الفقه et الصيغة الكتاب بأسئلة وجواب مثلا il pose une question ما عقيدتك عقيدتي كذا ما كذا ما ما ما هي ما هي او ما الديمقراطيه اي ريبون كذا سان كتاب طيب طيب المبتدئ كومونس بار هذا كذلك لي زونفون سان كتاب نافع اي منتشر ولله الحمد ف ففي هذا الكتاب الشيخ عبده الله يبوز une question ما ديمقراطية أو كان نسيت اسم نسيت شيء كانه ما حكم الديمقراطية أنا أجمي ما الديمقراطية كانه حكم يراد بيخسن الليب هنا كانه جواب لي أمو لأن هكذا سهل السؤال ما حكم الديمقراطية قال الشيخ حفظه الله قال هي حكم الشعب حكم الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة سيصدق على ديمقراطية أي كما نرى في الديفينسيون الشعب Le pouvoir est au peuple, et il n'y a pas de kitab, il n'y a pas de sunna. Ils inventent ce qu'ils veulent. Et ils interdisent ce qu'ils veulent. قال, فإذا, لا خلاص, ما الديمقراطية, c'est la définition. ثم قال, فإن قيل لك ما حكمها. نعم, فإن manque rien. Il manque rien في هذا. استعجلتنا. فقل هي شرك أكبر والدليل قوله تعالى إن الحكم إلا لله وقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا فلا ديمقراطية هذه دي شرك أكبر أي كفر أكبر لماذا؟ لأن الحكم لله وحده إذا أصوصي الله عز وجل في هذا لأنهم يحكمون إذا من ضلوا وهذا خاص بالله الله كي حلل كي حرم أما هم مثلا تشوفوا لو فون لا ديموكراسي مثلا الآن مثلا tu vois ils ont interdit le hijab الله عز وجل il a autorisé le hijab il l'a rendu obligatoire فهم اللي تغديزوا فالآن كيف نفعل الآن شرك واضح شرك واضح لأن الحكم لله الله il a rendu obligatoire le hijab t'es obligé تستسلم أنت t'es obligé d'appliquer فكيف الآن هم يبيان يديز لا إذا ما تلوى يفتح حجاب كفر صريح واضح قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الديمقراطية كفر انتهى واضح ديمقراطية كفر عند العلماء سفصفى هذا واضح يا باك ان كفر يا بلوزيور يا بلوزيور يا الحرية كفر اي تضغط بعضه يا الله كفر المساواة تسيقو كفر كيف تما مؤمن كما كافر الأخوة هذه كفر كثير من الأمور الحكم غير ما أنزل الله كفر أبك لشروط إلى آخره فواضح عند العلماء واضح أنها كفر بالله عز وجل هذا حكم الديمقراطية بقي الشخص نفسه تقدمت معنا مسألة التكفير اجتماع الشروط وانتفاء الموانع لأن كثير من المسلمين الآن ما يعرفون هذا الحكم يقول سبا هذا هو لنماج الديمقراطية سبا هذا C'est pas ça. Il sait que Allah il est kada, il croit Allah, il croit kada, il a akhiré, c'est un muslim. Lakin il a une shubha bi hada al-bab. Aslan, il a pas compris le mot. Il sait pas c'est quoi, huwa. Les kuffars, ils ont dit la démocratie, c'est bien, il est parti avec huwa. Amma, il sait pas c'est quoi, aslan. Aslan. Si tu viens lui expliquer, c'est yataraja. Fali hada, al-ulama, il kuffar pas shakhs. Si. Il n'a pas compris la démocratie. Les Anabardoum, ils ont une démocratie islamique, comme il y a Koulun. Ils croient que la démocratie, il y a une démocratie islamique, alors que c'est du coffre. Kaif, il va avoir du coffre islamique. Abadan. قال الشيخ مقبل ومن دعا إلى الديمقراطية وهو يعرف معناها فهو كافر. نعم، لأن بعض الناس يكون يبال معنى. يكون يبال. هذا صار مسلم، صار ضال، صار منحرف. ينصح، ينصح. أما شيء سي، يسي أن الحكم لله، يسي أن الديمقراطية سيد الشرك في هذا الباب، أي غوفيان با نعم، صار كافر. أما كثير من الناس أصحاب ديمقراطية من المسلمين يكون يبال هذا، فالإنسان ينصح، أي لغموط. قال لأنه يدعو إلى أن يكون الشعب شريكا مع الله فرب العزة يقول ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الدليل سانو الدليل سابو مطخي كفر ديمقراطية ولا يشرك في حكمه أحدا بخصنا الضغط أصوصي الله عز وجل في الحكم وهم يحكمون ils amendent des lois, ils interdisent des choses. Bel iharab al-din. Iharab al-din. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله فالإيمان بالعلمانية والديمقراطية وغيرهما من الأفكار الحديثة يتنافى والإيمان بالله أي مع الإيمان بالله. نعم الشيخ محمد أمان يموضح أن الديمقراطية العلمانية سيأتي معنا العلمانية c'est ce qu'ils appellent la laïcité. Cheikh Mohamed Amani montre que هذا ça contredit l'islam. Ça ne peut pas se rassembler. هذا إيمان هذا كفر. قال ولا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. نعم مسلم il doit choisir. إما son cœur ça va être un مسلم. Il va avoir le tawhid, l'iman بالله, الحكم لله, العبادة لله, إلى آخره, بغض الكفار. محبة المؤمنين أو يشوزي هذا أما اللي دو دون القلب لا سيبا بوسيب إلا سيلا الموفيز إيماج إي كوا كلا ديموكراسي سي كيك شوز إلى آخره ساشي شيء آخر أما لا ديموكراسي كما نلا في نحن الكفر الواضح سي امبوسيب. قال لا بد أن يحل أحدهما محل الآخر فلا يجتمعان ولا يرتهيان. نعم الشيخ محمد أماني دين سي أوبليجي كان لوتر يشاس لوتر سي سي مسلم مؤمن son cœur il acceptera pas ces choses là. كيف un cœur مؤمن يبقى accepter أن les gens ils font ce qu'ils veulent t'as le droit de pas adorer Allah c'est impossible là. أو سي سي قلب كافر il acceptera pas l'islam il acceptera pas l'islam. فلا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان les deux ولا يرتفعان les deux لابد واحد. كلام من كلام الشيخ مقبل رحمه الله الأول من قمع المعاند وكلام الشيخ محمد أمان الرسالة المذكورة أمس حقيقة الديمقراطية. الحاصل أن الديمقراطية سيدي كفر بالله عز وجل لكن الشخص ينظر لأن يزميد الشبههم في هذا سيأتي معنا شيء منها يزميد الشبه فسلوي كان شبهة الشبه من موانع التكفير تبا بارغوند كاف لكن شنو يمطر سلوي كان علم كيكابل يمطر ولا يتسرع يصبر حتى يكون خط لأن الشبهة سوليف با دي جو غلوند ما هكذا. حتى تتخوف بعض أهل البدع كيزابل على ديمقراطية هو الذي كالزنداني الزنداني يقول هكذا يجي الديمقراطية يعني كيديك الحكم إلي بالي الله إلي كذا يدي سجو كف يدي لكن ينو الديمقراطية بمعنى الشورى كذا كذا كذا سيأتي معنا هذا سنضال سنمنحرف. ونذكر الآن بعض مفاسد الديمقراطية بعض المفاسد أي المفا للديمقراطية عند المسلم. قال أو الأولى المساواة بين الحق والباطل من أعظم المفاسد لأن سلوي كاس مبدأ سلوي كاس برانسيب que tout le monde est libre, tout le monde est égaux, la fraternité, personne n'a tort, personne n'a pas le mot, le haq et le batil, ça va être la même chose. Al-an, chez un démocrate, matalan, ashab la démocratie, le shirk ou le tawhid, pour lui, c'est pareil. Shirk tawhid, عنده. Lui, il ne veut pas de din, aslan. Lakin, pour lui, c'est pareil. Un mushrik, avec un mouahid, c'est pareil. C'est un citoyen, c'est un citoyen. Il a des droits, il a des droits. Il est libre, il est libre. Ils sont égaux. هذا عنده. هذا عنده. فهذا من أعظم أو هذه من أعظم المفاسد أن الحق والباطل يبقى سواء سواء. كذلك من مفاسد الديمقراطية هدم أصل الولاء والبراء وهذه كذلك مفسدة عظيمة تلفوا الآن je le vois هذا لأن avec ce principe هذا on est tous égaux on est tous كذا on est tous كذا الآن il n'y aura plus de ولا وبراء. Si tu dis maintenant اجتتست اليهود او اجتتست النصارى في عقيدة المسلم عند الديمقراطية سبصبا هذا لا سان سيتوين كوم توا إلي إيغال أ توا إلا دي دغوا كوم توا إلي ليبر لماذا تلو ديتست وأعداء الله إز أبليك ساهم دون سو كي ديلس لا ديمقراطية مثلا لا ديمقراطية هم إلون فال أه سي أنت تبا داكور هم يبون فال ولا والبرا معك يبون تاكوزي مباشرة سان فوندامنتاليس سان انتغريس سان كذا سان كذا سان كذا فهم إزون مبدأ Si tu es d'accord avec eux, marhaba. Si tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont te harb. Nous, c'est hakada l'islam. Si tu es un musulman, marhaba, tu es avec nous. Tu es un mu'min, on t'aime fillah. Si tu n'es pas un musulman, nous brûlons qu'à fillah. Il ne faut pas inverser les choses, ya jama'a. Bah, d'un nas, ils ne comprennent pas hada. Les annahum l'an, ils appliqueraient vraiment ce qu'ils disent. Si nous, on ne veut pas la démocratie, on a le choix. Moi, maintenant, tu viens et tu leur dis, ah non, je ne veux pas la démocratie. Je suis un mu'min, je déteste les juifs, les chrétiens. Ouah, hakada, il est où l'ishkal? Je suis libre, laissez-moi faire ce que je veux. Humla, ils ne te laisseront pas, viada. Là, ils vont dire, t'es contre la démocratie, t'es contre kada, t'es contre kada. Mais nous, on dit, vous êtes contre din. Enfin, on vous déteste, fila. On t'a l'amour. Min mafasid. الديمقراطية كذلك فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة وهذه هي العلمانية سسا العلمانية أي لا ليسيتي لأن لا ليسيتي سبابك لا ديمقراطية فرع من فروع الديمقراطية لا ليسيتي العلمانية معناها فصل الدين عن الدولة أي faut pas que la religion se mélange avec la politique لماذا لأنهم c'est eux qui doivent inventer des lois هم. Comment tu vas mettre le dîn هم ils l'ont enlevé l'église أصلاً comme on a vu hier فكيف ils vont mettre le dîn qui fait des lois là هم c'est eux qui font les lois La politique, c'est eux qui inventent, qui interdisent ce qu'ils veulent, ils autorisent ce qu'ils veulent. Et le dîn, tu le fais chez toi. C'est ça la laïcité. Wahada, c'est du kufr billah azza wa jal. C'est du kufr billah. Léan Allah azza wa jal, il nous a montré as-siyasa shar'iyya. La politique religieuse, c'est ma'rouf. Al-hudud. Al-hudud, les sanctions. Si quelqu'un a volé, si quelqu'un a fait zina, si quelqu'un a fait kada. Il est akhri, il y a hakim. والحاكم اللي obligé يحكم بكتاب الله والسنة رسوله أما هم ils ont dit لا ils ont dit لا حتى ils ont été plus loin الآن أنهم لا يجوز عندهم في بعض الأماكن إظهار الدين ça c'est du كفر واضح يحاربون الله ورسوله هؤلاء ودينه لأن عندهم الآن dans certains lieux les lieux publics maintenant إلى آخره t'as pas le droit de faire apparaître ta religion الآن il y a un problème avec ce qu'ils ont dit avant la liberté الآن فلهذا on a dit ils ont beaucoup de تناقض الآن il dit t'es libre طيب ثم il vient il dit لا لكن dans les lieux publics tu fais pas كذا الآن يا إشكال لأن c'est des بشر c'est des كفار لا بد يتناقضون لا بد أما انظر دين الإسلام مثلا il dit fais ton dîn ou que tu sois y'a pas de تناقض tu fais ton dîn أما هم ils disent t'es libre t'as le droit de penser ce que tu veux T'as le droit de kada kada. Al-an, si tu vas appliquer ton din, t'as pas le droit dans kada kada kada. Et tu remarqueras que les lois hadi, elles sont illa fil islam, faqat. Illa dod l'islam. Ça te montre annahum, ils ont fait hada, c'est pour harb din. Au début, ils ont combattu l'église. Vu que l'église, l'an, elle a aucun poids. Ou antahat. Al-an, al-quwa l'islam. Et hum, ils ont compris hada, l'an, ils veulent harb l'islam. Ils veulent harb l'islam. Et le harb l'ayn nahar. فالعلمانية هذه لا ليست سجى كفر بالله عز وجل فصل الدين عن الدولة نحن الدين سمع الدولة كما على époque du prophète عليه الصلاة والسلام إلى أي شاء الله من المفاسد كذلك et ça va avec ce qui يعني ça suit ce qu'on a vu avant أن الديمقراطية تحارب شعائر الله تحارب شرائع الله عز وجل الإكزامبل دو حجاب إلي واضح الحجاب الأذان حتى الصلاة حتى الصلاة الآن يزون مخطط أو يفكرون أنهم لا الصلاة دولاغي لا يجوز لا يجوز مثلا في الصلاة دولاغي لا لماذا؟ لأن مبدأ العلمانية لا أكسبتو با هذا تدوى با فغا باغي تكتون دين فدولاغي مثلا الصلاة لا لموتون نعم لموتون ما لموتوا في العيد لأنهم بعضهم يديز أن الحيوانات يزود حقوق يعني الزانيمو يزود دروا بعضهم يديز هكذا إذا كسب باك المسلمين دمي إذا بات 2 مليون موتوا عن جور مثلا يديز هم ما أدري إيش هذا كلام فارغ هم أعداء الله يمانش كوا لين نهار يمانش دي بولاد الخنزير إلى آخره يبيادو يبيادو والإلكتريسيتي أو الأمور هكذا هم اللي تشوف فهذا هو كلام اللي عجيب جدا بعضهم يسبلان كالمسلمين يزيغرش دي موتون نعم أنت تمانش كوا أنت لليك تبوا الفخوماج كتمانش لابيان دي بيادو حتى أنت الانيمال اللي تشوف هذا هو كلام فارغ سيبو حرب الإسلام والمسلمين فقط العجيب سك égorger le mouton ça les dérange le jour du Eid فقط après égorge toute l'année c'est pas grave il dit personne te dira rien c'est un كلام في الحقيقة هم dès que tu réfléchis bien ils ont peur أن الإسلام يظهر فقط tu regardes انت الآن si t'analyses ils font tout pour que l'islam il apparaît pas s'il laisserait la dame et il laisserait l'islam منتشر في الشوارع الصلاة الدعوة إلى آخره ils savent qu'il y a beaucoup de kafirs ils vont venir à l'islam et c'est fait alhamdulillah il y a plein de kafirs ils reviennent à l'islam لكن ils savent هم s'ils laissent ça va aller beaucoup plus vite ils le savent هذا فلهذا le but هم c'est que l'islam il apparaît le moins possible le moins possible لأنهم يخافون ils savent أنه سدين الحق أنه il est واضح beaucoup de gens ils ont besoin de هذا الدين فils ont fait مثل هذه القواعد وهذه هذا القانون il empêche انتشار الإسلام لكن الله عز وجل يظهر دينه ولو كره المشركون تفضل نعم نعم ça c'est rien que pour صحيح rien que pour يعني بعض الناس إلى سيزيغوش بلو كذا كذا هذا كلام الله العافية et c'est pas fini هم دائما ils ont commencé par العيد après ils ont commencé par l'adhan العيد الحجاب الله أعلم qu'est-ce qu'ils veulent بعد قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هكذا الكافر هكذا ne le crois pas tout ce qu'il dit c'est pour ta liberté il voudrait ta liberté il te laisserait faire ce que tu veux et الآن il est où le problème مع الحجاب il est où le problème ça les dérange en quoi pendant des années les sœurs en France elles mettaient le hijab pendant des années فالآن لماذا qu'est-ce qui se passe c'est quoi qui les dérange واحد يسلفي يا ماتان إلى دي وما فعل الواقع مثل الحجاب c'est ça qui s'est passé bon de l'islam الشيطان il est venu de la وسوس il a fait une loi il a proposé ce projet de loi et vu qu'ils détestent tous l'islam il n'y a pas eu de problème hein. ils l'ont tous accepté on le râle sauf un مجنون صحاب la liberté هذا il déteste l'islam لكن il a يعني il sert de cette chose pour cada ما هو il déteste l'islam il déteste l'islam أصلا وفصلا Et ça, ces choses, c'est un rab. À la man yakoul anna al-bilad al-islamiyya, c'est comme bilad al-kuffar. Abadan. Abadan. Bilad al-islamiyya, tu ne trouveras jamais face ad-din hakada, avec cette sourah. Tu mets le hijab dans la rue, il y a l'adan, tu veux faire salat dans la rue, qui c'est qui va parler avec toi ? Personne. Fa tata'ajjab, بعض الناس, ils comparent bilad al-kuffar avec bilad al-muslimin. Surtout la France. Tata'ajjab. Comment tu compares un pays qui interdit le hijab ? Qui interdit l'i ? Qui interdit l'adan ? Tu combats l'islam, là il n'a tu combats avec un pays musulman. Tu prends le plus daïf des pays musulmans. Le plus daïf des pays musulmans. Là, Mukarana, il n'y a aucune comparaison avec Haoula. C'est un adjab. Là, il y a des gens qui cherchent des excuses. Patat. Faïda. بعض الناس يملانج entre الديمقراطية والشورى الديمقراطية والشورى فهذا سأخطأ بعض أهل البدع ils ont pas fait la différence هنا. C'est pour ça que les ulama ils ont pas kafir. هو الديمقراطية إلا compare avec الشورى. C'est quoi الشورى؟ ما معنى الشورى؟ اجتماع ماذا؟ اجتماع في الصلاة. عندك؟ نعم اجتماع العلماء اجتماع يعني أهل الحل والعقد وهكذا سيأتي معا. قال عز وجل وشاورهم في الأمر وقال سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم. الشورى مشروع في الإسلام comme dans ces deux versets. وشاورهم في الأمر. الشورى c'est le fait de consulter. Le fait de consulter, le fait de se réunir. Maintenant, nous avons un problème, nous avons un problème. Tu penses quoi de ça si on fait qu'à ça? Il est après. Fait choura, c'est mashroua. Et choura, c'est mabni ala al-kitab et al-sunna. Il y a des choses, tu as besoin de te rassembler. Les ulama, ils se rassemblent, ou les gouverneurs, ou les personnes qui ont une importance, ils se rassemblent. Et s'il y a un problème, ils regardent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Avec des dalils du kitab et al-sunna. Omar, radiyallahu anhu, لما مات أشار إلى عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعلي وعثمان ومن السادس طلحة سعد بن أبي وقاص للسيس عمر إلى ليس أمر الخلافة أدخل السيس شورى بينهم شورى ils sont consultés et ils ont désigné Uthman. C'est ça le shura dans l'islam. C'est ça le shura. بعض الناس ils comparent ça à la démocratie. Abadan. C'est quoi le fort contre shura et démocratie الآن? الآن vous avez compris c'est quoi le shura? La démocratie on l'a vu là الآن. C'est quoi la différence entre هذا و هذا? والديمقراطيه احسنت الفرق الاول ان الشورى مبنيه على الكتاب والسنه كما نبي في الوقت وشاورهم في الامر الديمقراطيه مبنيه على الكفر والالحاد لا كتاب ولا السنه ثانيا يا نوت فرق دون فيت دو كونسلتي يا فرق أن الشورى تجتمع سي با تول موند بعض الناس يكبخن غير بعض الناس يزون بعض علم بعض الناس يزون دي موفيز نية بعض الناس يميغيت با هذا سي با لوغ بلاف كيف تول موند با ديسيدي أبدا فالإسلام العلماء والحكام السكوان أغان مثلا un grand parleur, un kada, une personne, un chef de kabila, un kada. Haoula, yashtami'oun, et ils analysent la situation maintenant. Maintenant, il s'est passé kada, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils regardent le kitab ou le sunnah, qu'est-ce qu'il dit? Tumma? Yani, ils sortent de cet ijtima' avec un hukm. Et le hukm, il est mabni à la kitab Allah ou le sunnah de Rasoul. Le meilleur exemple avec Omar. Dès qu'Omar il est mort, les six, ils sont rassemblés. Ils ont décidé que c'était Uthman. C'était Uthman le plus apte, c'était celui qui avait le plus de ilm. Il a akhri. Ils l'ont désigné, huwa. C'est ça, Shura. La démocratie, elle, tout le monde se rassemble. Tout le monde. Hatta un majnoun, il peut voter. Un majnoun, il fait sa carte de vote, il est mentalement, il est fou. Il fait sa carte de vote, il va voter. Est-ce que quelqu'un va lui dire là? Ils vont lui dire. Vote ça. Vote. Un jahal avec un alim, il a le même poids. C'est ça qui est غريب. Amma nahnu shura la. Un jahel il a pas le même poids qu'un alim. C'est pour ça que le jahel il rentre pas fi shura. C'est pas son domaine huwa. Al alim avec les autres ulama wa ahl al hal wa al aqd comme on a vu, haoula yajtami'un. Ils analysent la situation. Démocratie là, chacun il a une voix. Chacun il a une voix. Tu peux avoir cheikh l'islam. Cheikh l'islam. Avec a'oudou billah, un fasiq, un fajir, ils auront la même voix. Et hada ils votent, une voix. Est-ce que hada c'est min al-adl? Est-ce que hada c'est min al-adl? Abadan. Fa, al-shura et démocratie, c'est pas la même chose. Et démocratie, ils votent sur des lois qui ne sont pas bâtis sur le Coran et la Sunna. Amma al-Shura, c'est mabni ala kitab al-Sunna, ila akhirah. Qala Sheikh Muqbil rahimahullah. Ou su'ila Sheikh Muqbil rahimahullah, hal al-Shura al-Islamiyya hiya al-Démocratiyya. Ils ont demandé à Sheikh Muqbil, est-ce que Shura, qui a donc la Sunna, c'est ça, c'est comme la démocratie. Il y en a pas de nazis, ils ont ce choubha. C'est pour ça que les ulama, ils ne les kaffarent pas. Il y en a où il dit, Omar, maintenant dès qu'il est mort, il a laissé, ils ont désigné Uthman. Lui, il n'arrive pas à faire la différence. Il se dit la démocratie, on désigne Foulain. C'est pas pareil, Akhi. C'est pas pareil. Hada c'est iman, hada c'est kufr. Qal, Cheikh Muqbil, rahimahullah, al-shura, hiya. أن يجتمع مجموعة من ذوي الحل والعقد ومن العلماء ومن ذوي الخبرة والسياسة. C'est ça الشورى. العلماء والحكام. Les grands responsables. ذوي الخبرة. مثلا il y a un problème مثلا ما أدري إيش. Dans une chose bien précise. Celui qui a du علم dans cette chose, نعم, il vient. Il y en a, il peut les aider. إلى آخره. Ou un problème politique, celui qui a de la ma'arifa fi siyasa al-shar'iyya al-islamiyya, il peut donner quoi son avis et l'akhir. Amma hakada, tout le monde parle, tout le monde kata, hada c'est amr ajib. Et tu regardes le kuffar, hatta fi dunya, il ne l'applique pas hada, abadan. Il ne l'applique pas. Va lui dire qu'il emmène son enfant chez un dentiste pour le soigner, abadan. Il va aller chez ashab al-khibra. On n'est pas tous égaux, un dentiste c'est pas un mécanicien, abadan. Hada il a une khibra, hada il a une khibra. C'est ça l'aql, al-sari'. Chacun a sa place. Amma dans la démocratie, mais tout le monde égaux. Yani dans le fait de voter, c'est pas possible hada. Abadan. Qal, ça te montre que le kuffar ils n'ont pas de uqul. Sahih, Allah Azza wa Jalla les a comparés à des animaux. Il les a comparés à des animaux. لماذا لأن حتى العقل عندهم في بعض الأمور لا يوجد. قال وهم الذين أي الشيخ مقبل قال وهم الذين يدبرون أحوال الناس على النهج الكتاب والسنة. سال الشورى أي يسغصب ils étudient l'affaire avec le kitab et le sunna. C'est ça le shura, ça y est juste. Et ça, min zaman le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est connu. Fi zaman le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fil Madina avec les sahaba, et ils ont été entourés par le kuffar, comme vous savez, l'ahzab. Al-mushrikoun, al-yahoud, ils en ont profité, al-munafiqoun, al-ahzab. Et ils ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil Madina. Ils ont voulu en finir avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé conseil à ses compagnons. Salman radiyallahu an, il a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un khandaq, de creuser un grand fossé autour de la Médine. Un grand fossé. Comme ça, même si le kuffar ils veulent faire le hujum sur le prophète, ils ne peuvent pas y avoir un fossé entre eux. Ils seront bloqués. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Les anna, c'est un qawl sadid. Et c'est un qawl muwaffaq jiddan. Enfin, le prophète il a accepté. C'est ça le shura. Entre nous, on se conseille hakada. Amma wahad il vient et il invente une loi et harab l'islam, il est où le rapport? Il est où le rapport? Il est où le rapport entre shura hadi et les lois qu'ils font pour autoriser l'homosexualité, combattre le hijab et l'akhiri? Il est où le rapport, ya akhi? Al-shura c'est une chose et la démocratie c'est une autre chose. قال الشيخ مقبل قال بخلاف الديمقراطية فإنهم يرجعون إلى الأكثرية إلى آخره. نعم الشورى ألا مبنية شخوة الكتاب والسنة. الديمقراطية ألا مبنية شخوة لا سكون هذه الأكثرية. ساسا الفرق واضح. الأكثرية سي لا ماجوريتي. ديمقراطية ألا باتي سو لا ماجوريتي. Projet de loi, ils votent si 51% ils ont dit kada, 49% ils ont dit kada, 51% ils ont raison. Voilà aussi c'est une chose qui n'est pas bien. À Shura là, il n'y a pas d'actaria. Même s'ils sont deux, c'est eux qui décident. Maintenant, il y a un alim avec le hakim, ils se réunissent et ils voient maintenant que l'affaire c'est kada, kada, le Coran et le Sunna ils disent kada. Voilà aussi 90% des gens ne sont pas d'accord. Le haq il est avec eux. Il est anahu kitab ou sunna. Had, amma démocratia, là. Comment je comprends la cité les adillah dans l'actaria, c'est pas un délit et c'est pas forcément la vérité. Sahih, la majorité c'est pas forcément la vérité. لأن الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون. Sahih, أكثر الناس لا يعلمون. Pourquoi tu donnes la majorité, l'akthariya, c'est elle qui a le hukm. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, akthar nas la ya'lamoun. Et c'est vrai, si tu regardes maintenant les populations 1, la plupart des gens ils savent pas. Sahih, la plupart des gens c'est des foussards. Fakif, tu donnes à cette majorité, tu lui donnes le hukm. Et tu délaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la démocratie à la hada, c'est du kufr wadih. بقي ماذا؟ نعم انتهينا هذا الحكم هنا كذا. فالنصيحة للمسلمين ولمن يسمع نعم النصيحة لمن يسمع أن يحذر من التشبه بالكفار لأن المسلمون الآن أو لأن المسلمين الآن ceux qui comprennent pas la démocratie هذه أو ils pensent que c'est un bien ils sont arrivés à ce point là أو à ce niveau لأنهم يتشبهون بالكفار et ils font confiance aux كفار et ils croient que le kuffar, ce qu'ils font, c'est bien. Ils sont arrivés à ne pas comprendre ces choses-là. Anta i'lam anna tashabbu bil kuffar la yajouz. Qala Isa sallam man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Fa huwa minhum fa la yajouz. Fa tashabbaha bil kuffar. Anzur at tashabbu il les a poussés à eux. Al-an tashabbu fil fikr wa fil i'tiqad. La démocratie c'est une aqida. C'est une aqida. Fa le muslim yantabih. Yantabih. Al kuffar il ne veut pas le khayr. اعلم هذا والله ان الكفار يدفن بال خير ابدا ابدا يدفن الخير يصاف كما فعل الخير لكن يفلتوا الشر فلا بد مسلم يتفطن لهذا فهم يحارب الله عز وجل يحارب الرسول يحارب دين الاسلام ليل نهار كما تشوف انت يفلتوا الخير الكافر لا يرحم امه Samez-toi le dans la tête. Le kafir, il n'a pas de rahma avec sa mère. Kafir minhum. Tu le trouves, elle arrive 75, 80 ans, maison de retraite. Il va la visiter marra fi sana. Et encore. Hada, c'est celui qui a un peu de rahma. Il va la visiter leur fête de fin d'année. Hada. Kaif, hada, anta, il va te rahma. Il ne te connaît même pas. Kaif. Abadan. Abadan. Hum, le kafir, ils sont avec le masalih. Ils sont avec le masalih. Al-Kafir, il y a quelques années, ils s'entretuaient, comme à Ta'lamoun. La Deuxième Guerre mondiale, la Kada, la Kada, la Kada. Ils s'entretuaient entre eux. Pourtant, ils avaient la démocratie. Ils avaient. Les bases de la démocratie, ils l'avaient. Les années à la Deuxième Guerre mondiale, c'est en 1939. Les Mahd, ils s'entretuaient entre eux. Ils ont fait 40 millions de morts au Hakada. C'est des hayawanats. Ça fait, ils sont le masalih. Ils sont le masalih. Ils sont capables d'éliminer un pays, une ville pour ce masalih. La démocratie, comme on parlait avec un frère, la démocratie, ils prétendent la démocratie. Et ce qu'ils ont fait maintenant au Japon, ils ont bombardé avec des bombes atomiques. Hiroshima, Ta'lamoun, Hadi Omo. Ils ont éliminé une ville entière. 100 000 morts, 200 000 morts, Kada. Ça, c'est la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Japonais, les civils? Ils ont fait quoi de mal? Ils n'ont rien fait, Les kuffars ils sont hakada. Dès que ça les arrange, démocratie kada kada. Dès que ça les arrange pas, ils ont masalé, ils sont prêts à tout. Wallah, ils sont prêts à tout. Il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien. Enfin, entabih, akhi. Entabih. Enfin, l'insan, les kuffars, al-an, comme on a expliqué plusieurs fois, ils ont un razou fikri. Al-an, ils ne vont pas venir avec les armes, avec kada. Là, ils vont tharb avec les afkar. العلمانية الديمقراطية سيتمت صدر التات اتوا أيها المسلم شو كوني باس الشوز تبا حارب الإسلام صوتا ونتكون بعض المسلمين الآن يسو داكور افك لالوة دي حجاب يدي سبغا يبا كذا يفو با كذا سين ديمقراسي سيال با فغ لغوليجون البا شيزان سيالي با كنتانت لغوليجون شيزان ومن هذه الأمور اتق الله يوم القيامة تبا غندي كونت على هذه الكلمة يوم القيامة تبا غندي كونت نحن لدي أن المسلمون يدوا با رستي لابا لكن ne te mets pas du côté des kuffars et tu dis ils ont raison c'est une démocratie ça c'est un kalam khatir لأن يحارب الإسلام هم فكيف t'es d'accord ام لا نحن دي aux soeurs elles doivent pas rester là-bas elles peuvent fabriquer leur religion elles doivent sortir vers le hijra إلى آخره لكن الإنسان ne se met pas du côté des kuffars et il dit ils ont raison ils ont kada et ils ont raison ils ont rien raison du tout c'est du kuff بالله عز وجل qu'ils font أحسنت نحن نؤمن c'est biqadar illah, et c'est une épreuve, et c'est un bien. C'est Allah Azza wa Jal qui met un bien fait hada. C'est un bien, hatta le musulman qui lui reste un peu d'aql, et il a l'iman, il va comprendre un al-kufar, il ne veut pas son bien. Un al-kufar, il ne veut pas son bien. Fala'allahu, ça va pousser des musulmans à sortir de là-bas et à détester le kufar. Laisse Allah zalik. Lakin nahnu, يعني, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Abadan. النصيحة الأخيرة أن الإنسان ينتبه لأولاده. الإنسان يفعل attention à ses enfants. أنت الآن le système scolaire في بلاد الكفار. Et نحن on prend l'exemple de la France. Le système scolaire il est bâti sur ça. Sur la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Depuis la maternelle on lui montre ça. Et il lui montre ça. فانتبه tes enfants أنت si tu les mets في هذا. بعض الناس مثلا dès qu'ils parlent l'école. Et ça le montre. Qu'il n'a pas beaucoup de ilm et qu'il ne comprend pas certaines choses. Dès qu'il parle d'école, maintenant il dit moi je ne mets pas mon fils à l'école, il y a de la musique. Wallah, le problème il n'est pas la musique. Le problème il est fait hada. Ton enfant, home, la musique c'est un détail hada. C'est haram, nous on dit, c'est un péché, c'est minal kaba'ir, kada. Lakin, ça c'est du kufr billah. Si ton enfant un jour il grandit, il écoute de la musique et c'est un musulman, ça va être un musulman asi. Sahih, ça va être un pécheur qui écoute de la musique. Katir minal muslimin, ils ont hakala. Lakin, si ton enfant il grandit et maintenant il n'écoute pas de musique, toi tu lui as montré la musique, il n'écoute pas. Lakin, il grandit avec cette aqida. Qu'il n'y a pas de religion avec l'État, la laïcité, la démocratie, on est tous libres, tous égaux. Si ça rentre dans son cœur, si le hujja aqamat alayh, c'est un kafir. Voilà où il n'écoute pas de la musique. Un tabihou, le problème il n'est pas dans la musique. Le problème il est fait hada. Et un à ton fils, ils vont l'élever hakada. Il faut respecter les homosexuels, ils vont le mettre avec une fille, ils vont lui montrer on est égaux, ils vont lui montrer kada. Il va grandir, il va avoir une aqidat démocrate. Un tas, tu vas venir, tu vas lui dire Yabni. انتبه اليهودي هذا او النصراني سان كافر كذا اي بدغلا سعقيدا لو لابا يتبه كذا اي بدغ سان اتخو ماكم مو سان اتخو ماكم لكن سان كافر انت تا مؤمن فانتبهوا لأولادكم نحن بعض المسلمون كبير في بلاد الكفر ينتبهون المسألة خطيرة جدا والله celui qui fait pas attention son enfant يفلت بسرعة. Ça va vite, l'école, au début un tas tu crois que c'est pas grave, après il va arriver en primaire, après il va arriver au lycée, il va finir à l'université, wal'ayadu billah, un philosophe. Et wallah on l'a vu, des muslimites ils parlent comme un philosophe, c'est un muslim astro. Lakin ils l'ont eu avec hada, ils l'ont eu. Un tas tu viens, tu lui dis matalana, al-wala wal-bara, c'est min usul al-din, on doit aimer les muslimines, détester le kuffar. Il n'acceptera jamais. Il va dire Hada, c'est un terroriste, c'est un fondamentaliste, c'est un wahhabiste. Ils ont inventé plein de noms. Nous, on dit ça. Nous, on a un mot. Un mot. C'est des koufars. Mais vu qu'ils ne savent pas trop, un jour fondamentaliste, après. C'est quoi l'autre mot? Littéralisme. Fondamentaliste, islamiste. Ils emmènent des mots. Ça montre qu'on a. Ah, vous êtes des koufars, intaha. C'est tout simple. Indana. قال الشيخ ربي حفظه الله إن حل مشاكلكم أيها المسلمون لا يمكن في الديمقراطية ولا في الدكتاتورية. الشيخ ربي on finit d'arriver avec ça. Il fait une nasiha aux gouverneurs et aux musulmans. Il leur dit la solution elle n'est pas dans la démocratie. Sahih, c'est du kufr. كذلك la solution elle n'est pas dans les dictatures. لأن les démocrates ils se défendent هكذا. Ils disent أنتم ne voulez pas la démocratie, vous êtes des dictatures. نحن on leur dit non. L'imada, vous êtes passé de la démocratie à la dictature. Il y a une troisième chose. Il y a l'islam. Si tu dis que l'islam c'est la démocratie, c'est grave. Si tu dis que l'islam c'est une dictature, c'est grave. Fahum, entabia yu al-muslim, ils vont te faire sortir la démocratie. Dès que tu es contre la démocratie, ils vont dire que tu es pour les dictatures. Kadallah. Al-ulama, ils sont contre les dictatures. Et ils sont contre les démocraties. Al-ulama, ils appellent l'islam. Qala habidahullah, wa inna ma yumkin, wallahi alladhi la ilaha illahu. Ils jurent. Fil islam. في عقيدة في عقائده وتشريعاته ومنهجه قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى الحق أن يدفع بابور أنت لأن الكفار من غزوهم للمسلمين يدفعوا بغت إما la démocratie et c'est eux les meilleurs, ceux qui sont libres, ceux qui connaissent tout. Si tu prends pas la démocratie, tu vas tomber dans les dictatures. Entabeh, c'est du mensonge. Là, nous on prend pas la démocratie, on prend pas la dictature, on prend le haq à l'islam. Qala Allah, qala Rasul. Et tu remarqueras un kafir, il dira jamais pas l'islam ouvertement hakada. Il y en a, ils le disent. Mais la plupart, ils le disent pas hakada. Ils te font croire que la dictature, et en fait, dès que tu réfléchis bien et t'analyses, la dictature, c'est l'islam pour eux. C'est l'islam. Il faut faire kada, c'est une dictature. Un tabir. Eux, ils jouent avec les mots. Fa'anta akhil karim, et attention, bihablillah. C'est ça la solution. Toi, tes enfants, et un conseil sort min bilad kufr. L'anna bilad kufr, le harb, il est qawi. Tu n'y arriveras pas, t'es trop daïf. Nahnu fi bilad muslimin, et on ressent des choses. Internet, les infos, les kada, et il y a des choses, et il faut faire attention. Ma balouk, tu vis au milieu d'eux. Tes enfants, ils sont au milieu d'eux. Tu travailles avec eux. Ma balouk. Et t'as pas d'ilm avec tout ça. T'as une maladie et t'as pas de remède. Comment tu vas faire? Tu vas tomber malade. Imma qalil, imma kathir. Fattakillah. Ittakillah. Wa'alam. Anna al-muslim ibn al-akhira. Ça c'est de la dunya. C'est de la dunya, ça va passer. Hatta la démocratie hadi. L'attendant elle va rester. Un jour elle va tomber, ils vont inventer une autre chose. Il a akhiré, Wal-aqibatu li-taqwa. Qala azza wa jalla, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Réfléchis à cette ayah, anta, you are muslim, t'es un muslim. Celui qui s'écarte du Coran et de la Sunna, Allah azza wa jalla dit fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Il aura une vie dhanka, al-dhank c'est dhik. Des problèmes, des soucis, il ne sera jamais à l'aise. Limada lianna il s'écarte du Coran et la Sunna. Qala wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Allah azza wa jalla dit yawm al-qiyamati on le ressuscite aveugle. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Cette personne, il va demander à Allah يوم القيامة لماذا يا رب tu m'as ressuscité aveugle alors que je voyais. Allah عز وجل va lui dire قل أو قال عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah عز وجل va lui dire je vous ai fait descendre des livres le Coran. Le dernier livre, le Coran, un prophète, tu les as oubliés, aujourd'hui, on t'oublie comme t'as oublié. يعني هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.